Quand dit-on « je suis prêt » ou plutôt, dans votre cas, « je suis prête » ? Sono... J'ai oublié comment on dit « prête ». C'est « presto »?« Presta » ?« Presto » veut dire « tôt » ou « bientôt » et n'a qu'une forme « presto » avec un « o ». C'est un faux ami. Il ressemble à un mot français « prêt » mais ce n'est pas sa traduction. « Prêt » c'est « pronto ». Pronto. Pronto au masculin. Et au féminin, je suis prête. Sono pronta. Bien. Sono pronta au féminin. Et comment diriez-vous c'est prêt? Pronto. Est pronto, c'est ça. Il doit partir bientôt. Comment dit-on ça? Je vous rappelle que « bientôt », dans ce cas, se dit comme « tôt ».« Presto ».« Deve » partir, qui se dit « partire ».« Partire ». Donc, il doit partir bientôt. Alors, ça serait « deve partire presto ». Oui, c'est ça. « Deve partire presto ». Et comment diriez-vous « ça peut être prêt maintenant »? Deve. Non, ça peut. Possa. Vous confondez avec posso, je peux. Comment dit-on « vous pouvez »,« il peut » ou « ça peut » Può. Voilà, può. Être. Essere. Può essere. Prêt. Pronto. Oui, maintenant. Ora. Ora. Può essere pronto ora. Maintenant, vous voulez dire « je serai prêt ». Vous ne voulez pas dire « sono pronto », c'est-à-dire « je suis prêt ». Mais bien « je serai prêt ». Pour dire « je serai », il y a très longtemps, on disait « essero » du verbe « essere ».« Essero ». Mais avec le temps, « essero » est devenu simplement « sarò ».« Sarò ». Maintenant, c'est donc un petit mot court, « sarò », pour dire « je serai ». Et comment dit-on d'après vous « vous serez »,« il sera »,« elle sera » ?« Sarà ».« Sarà », qui ressemble beaucoup au « sera » français. Mais attention, ça s'écrit avec un « a ». « S-A-R-A » accent grave. Sarà. Alors, comment direz-vous « ça sera prêt tout de suite » ? Sarà pronto subito. Voilà, sarà pronto subito. Je ne sais pas encore à quelle heure ça sera prêt, mais je veux l'avoir aujourd'hui, si c'est possible. Commencez par dire « je ne sais pas encore à quelle heure ça sera prêt ». Non so ancora a che ora sarà pronto. Non sarà, S-A, sarà. Sarà. Sarà. Oui, sarà pronto. Non so ancora a che ora sarà pronto. Mais je veux la voir aujourd'hui si c'est possible. Ma vuole aver... Vuole, c'est il veut. Voglio. Non, on insiste sur la fin du mot seulement pour ro et ra. Ah oui. Voglio averlo oggi. C'est ça. Ma voglio averlo oggi, si c'est possible. C'est... possible. C'est possible. Oui. Donc, je ne sais pas encore à quelle heure ça sera prêt, mais je veux l'avoir aujourd'hui si c'est possible. Se dira non so ancora a che ora sarà pronto, ma voglio averlo oggi se è possibile. Bon, alors, voir se dit Vedere. Mm-hmm. Vedere. Et le voir. Vederlo. Vederlo. Vederlo. Le voir. Et comment dites-vous l'avoir ou vous voir? Vederla. Vederla, oui. Et me voir? Vedermi. Vedermi. Imaginez que vous voulez dire « je vais vous appeler ». Je vais vous appeler plus tard. La chiamo più tardi? Très bien. La chiamo più tardi. Alors, reprenons. En français, on emploie « aller » pour exprimer le futur proche, mais pas en italien. En italien, on emploie soit le présent, « la chiamo più tardi », ou alors carrément le futur. Donc, je vous appellerai plus tard, se dirait. Vous voulez le futur? Oui. La chiamarò? Non. Comme je vous l'ai déjà expliqué, au futur, avec les verbes en are, au lieu d'avoir arò, on a erò. Par exemple, parlare, c'est parler. Mais je parlerai, c'est. Parlerai. Parlerò. Voilà, parlerò. Et manger se dit mangiare. Mais je mangerai? Mangerò. Mangerò, oui. Donc, selon le même principe, comment dira-t-on « je vous appellerai plus tard » La chiamerò più tardi. La chiamerò più tardi. Bien. Dites maintenant, il mangera. Mangera. Mangera, oui. Donc, nous avons ra et ro. Ra et ro, qui sont valables pour tous les verbes. Pour nous, la terminaison, c'est remo. Remo. R-E-M-O. Ce qui fait que nous mangerons plus tard se dit... Mangeremo. Più tardi. Mangeremo più tardi, c'est ça. Et nous resterons à la maison ce soir? Resteremo a casa stasera. Bien. Resteremo a casa stasera. Et nous partirons demain? Partiremo domani. C'est ça. Partiremo domani.